vous écoutez Futur Simple, c'est François Riouard qui vous parle. Et si je vous parle de pizza, vous avez sans doute en tête une image de pâte avec des tomates, du fromage et d'autres ingrédients. Mais quel rôle jouent les tomates et le fromage dans la pizza? C'est ce que vont nous raconter Normand Voyer, chimiste et professeur titulaire au département de chimie à l'Université Laval. Bonjour Normand. Bonjour François. Et avec Karine Gravel, nutritionniste et docteur en nutrition en pratique privée. Bonjour Karine. Bonjour François. Alors commençons par le début. D'où vient la pizza, Karine? Je vais vous raconter une histoire. Donc, évidemment, la pizza, elle est considérée comme un des plus grands apports de la gastronomie italienne. Hein? Mm-hmm. Et l'histoire la plus célèbre, c'est celle de la reine Margherita, l'épouse du deuxième roi de l'Italie unifié, Umberto I. Et selon, je vais dire la légende, hein, parce que c'est quand même un petit peu controversé, là, je vous en parle tantôt, mais Margherita et Umberto, ils visitaient Naples. Ah, ils étaient en voyage en 1884. Et ils étaient un peu lassés de la cuisine française parce qu'à ce moment-là, on donnait à la royauté européenne toujours de la cuisine française. Et là, quand même, ils étaient un peu lassés. Puis, il y a le pizzaiolo. Un pizzaiolo, c'est un cuisinier là, qui prépare la pizza du nom de Raphaël Esposito qui aurait été convoqué pour préparer une variété de pizza pour la reine qui s'était lassée de la cuisine française. Et là, il a présenté trois variétés de pizza. Une première variété avec des lardons, le cacio cavallo. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est un fromage... Ah, bah oui, merci, monsieur l'Italien. un fromage en forme de poire qui est une pâte ferme. Donc, il y avait ce fromage-là avec du basilic. Une deuxième pizza avec des anchois, des tomates, du basilic et de la mozzarella. Et une dernière pizza connue sous le nom de pizza alla mozzarella à l'époque. Et celle-là était composée de sauce tomate, mozzarella et basilic. Et c'est la préférée de la reine. Ah bon? Et c'est ma préférée, moi aussi. Je comprends la reine. Donc, cette légende-là veut que la reine Margherita, et là, vous me voyez venir, elle ait donné la permission pour utiliser son nom pour nommer sa pizza préférée là, en guise de remerciement pour le pizzaiolo. Mais je vous disais tout à l'heure, hein, comme plusieurs découvertes alimentaires, il y a des historiens qui sont plutôt sceptiques par rapport à cette histoire-là, malgré que ce soit la plus populaire, qu'elle soit présentée dans des guides de voyage, des livres de recettes, des sites web de cuisine italienne. Là. En tout cas, il y a certaines anomalies là, selon les écrits. Il y a des discordances dans le nombre de pizzas qui ont été présentées au couple royal. Les garnitures, ça change. Voilà pour ça. Donc, c'est critiqué, mais c'est une belle histoire. Hein? Effectivement. Mais faire une pizza, Normand, c'est presque faire de la chimie. Oui, c'est pas juste un art, c'est vraiment faire de la pizza, là, faire de cuire une pizza, c'est une cascade de réactions chimiques. Puis si on commence par la base, on va commencer par la pâte, OK? T'as l'air d'un gars amoureux, là. mais c'est vraiment une chimie absolument fantastique lorsqu'on écoute ça. Parce que pour faire une bonne pâte de pizza, ça prend pas grand ingrédients, hein, dans le fond. Ça prend de la farine, du sucre, de l'eau et une levure. Pas n'importe laquelle, peut-être? La fameuse levure de boulanger. Là. Cette levure-là, c'est un organisme vivant. Saccharomyces cerevisiae. Je ne sais pas si je prononce ça comme il faut. Mais ma collègue nutritionniste peut me corriger. Malheureusement, non. Mais pour vivre cette levure-là, elle utilise le sucre comme nutriment. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est sa source d'énergie. Alors, quand elle bouffe le sucre, elle va le décomposer. Et dans ce processus-là, elle va générer une molécule bien connue, le dioxyde de carbone. Le CO2. Mm-hmm. Et ça va faire des petites bulles. Et ces petites bulles-là de CO2 vont rester piégées dans la pâte. Et c'est ça qui va faire gonfler la pâte. Okay, mais c'est ça le secret de la pâte. C'est seulement une partie du secret de la pâte. Parce que par la suite, dans la farine, on va retrouver un nombre incroyable de protéines. Ces protéines sont très importantes pour la pâte de pizza. Les prolamines et les gluténines qu'on regroupe sous le nom générique de gluten. Okay. Ouais. Et malgré ce qu'on entend toujours parler du gluten, mais ce sont des protéines qui sont insolubles dans l'eau. Et ils sont constitués de longues chaînes d'acides aminés. Et quand on rajoute l'eau à la farine, qu'est-ce qui se passe? Ces grandes protéines-là vont se disperser. Et puis là, ils vont aller s'associer avec des interactions moléculaires pour former un réseau. Un réseau qui contient des milliards de petites interactions chimiques ensemble. Et plus on va pétrir la pâte, plus les molécules d'eau vont aller s'insérer dans ce réseau moléculaire-là. Et la conséquence de ça, c'est que ça va permettre à la pâte de s'étirer. Ça va lui donner l'élasticité nécessaire pour qu'on puisse la faire tourner, comme je fais tous les vendredis soirs dans ma cuisine. Et lorsqu'elle tourne, ben elle va s'étirer et on va obtenir la forme de la pizza qu'on veut, qui va lui permettre d'avoir gonflé comme ça. Et c'est donc dans ces grandes chaînes de protéines-là qui donnent les caractéristiques à l'élasticité de la pâte. Donc, c'est vraiment des réactions chimiques. OK, tout à fait. On peut utiliser une variété de sauce, mais la sauce aux tomates est à l'origine de la pizza. Pourquoi, Karine Gravel? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Ah, bien, en fait... Ça doit être chimique. Oui, hein, probablement. Moi, quand je cuisine ma pizza hebdomadaire, alors c'est pas pour rien qu'on vous parle de pizza aujourd'hui, c'est parce que j'aime beaucoup ça. Moi, j'utilise du pesto, mais c'est vrai que la base originale, là, la plus populaire, c'est la sauce tomate. Et si je vous demande, considérez-vous la tomate comme un légume ou comme un fruit? Non, un fruit. Pour moi, c'est un fruit. Oui, hein. En fait, c'est un fruit au sens botanique, c'est vrai. Mais parfois, étant donné qu'on l'utilise comme un légume, on va la considérer aussi comme un légume. Mais on peut dire un légume-fruit, hein, ça existe. Alors, comme ça, on ne se trompe pas. Et la tomate, là, c'est un légume-fruit non genré. La tomate, c'est le premier fruit produit dans le monde. Et c'est aussi, on la considère comme un légume, c'est le deuxième légume le plus consommé juste derrière la pomme de terre. Puis là, on pourrait penser que oui, c'est italien, mais non, la tomate est originaire d'Amérique, du Mexique plus précisément. Puis il existe environ 1700 variétés de tomates, c'est incroyable. Et elle appartient à la famille des solanacées, comme l'aubergine et le poivron. Et dans les écrits sur le jardinage, on la surnomme même la reine des potagers. Vraiment, je trouve ça très beau. Puis au niveau de la conservation des tomates, bien, les tomates, elles sont plutôt délicates, elles peuvent s'abîmer facilement, hein, on le sait, si on les manipule pas correctement. Et pour les conserver le plus longtemps possible, on les garde à la température ambiante, sur le comptoir, par exemple. Puis une fois mûres, c'est certain que si on les mange pas tout de suite, ben on a tous remarqué ça, hein, c'est mieux de les réfrigérer là, à ce moment-là pour ralentir le mûrissement. Oui. Mais ce que vous savez pas, là... Ce que vous savez pas, là, c'est que c'est peut-être le fruit, le légume le plus consommé là, après la patate, mais le plus important, c'est, savez-vous, qu'est-ce qui donne la couleur rouge aux tomates? Oui. OK. J'aurais dû me douter. Mais... En fait, c'est le lycopène. Ça, on sait, tout le monde sait ça. Là. Je savais que quelqu'un me dirait oui, je le sais, ça donne clair rouge, c'est vraiment bien comme ça. Mais savez-vous que le lycopène a aussi un arôme très particulier? Et que des chercheurs ont étudié l'arôme des tomates et ont trouvé plus de 400 substances naturelles, volatiles, qui confèrent cette espèce de... Vous savez, il n'y a rien d'autre que l'odeur d'une tomate. Là, quand on ouvre les tomates, là, on dit souvent, c'est une odeur très particulière. C'est conféré à peu près 400 substances confèrent ça. Mais la raison pourquoi on utilise les tomates, que c'est la plus prisée comme sauce pour les pizzas, c'est qu'elles confèrent un goût acide qui vient neutraliser le petit goût sucré de la pâte. Vous savez, le goût sucré est intrinsèque parce qu'on utilise du sucre dans la pâte. Et les tomates, ben, vont donner l'acidité car elles sont riches dans une famille de composés chimiques qu'on appelle les acides carboxyliques. Et les acides carboxyliques le plus connu, c'est le... vinaigre, le célèbre vinaigre, comme ça, l'acide acétique là-dessus. Mais dans les tomates, on a vraiment une bonne dose de ces acides carboxyliques-là, mais c'est particulièrement l'acide citrique, l'acide malique qui sont les plus importants. Et ce qui va avoir un cachet particulier, c'est qu'il y a un acide carboxylique qui est unique aux tomates, l'acide thémalique. Thémalique. L'acide thémalique qu'on va retrouver. Et finalement, bien évidemment, il y a de l'acide ascorbique aussi, donc une bonne dose de vitamine C. Et donc, l'acidité des tomates, ça convient parfaitement avec les pâtes un peu sucrées, et c'est donc une des raisons moléculaires pourquoi la sauce tomate est la plus prisée avec avec la pizza. Et moi, j'ai lu que les tomates libèrent plus de lycopène après la cuisson. Est-ce qu'on sait pourquoi? Ah, c'est une excellente question de nutritionniste. En fait, le lycopène, c'est une substance qui est hydrophobe. Okay? C'est une substance qui est soluble seulement dans les graisses. Et dans les tomates, le lycopène est incorporé dans un réseau extrêmement structuré de fibres insolubles. Alors, quand on prend une tomate pour la coupe, le lycopène il se libère pas facilement. Tandis que quand on va cuire la tomate, on va briser ce réseau structuré-là de fibres et ça va libérer le lycopène et donc il devient plus biodisponible et donc on va s'enrichir comme nutriment, on va avoir plus de lycopène lorsqu'on fait ça. Bravo. Ah, c'est intéressant. Il faut pas oublier non plus la merveilleuse odeur du basilic frais. Aimez-vous ça, vous autres? Oui, moi j'adore. Bien. Parce que moi, juste aller à l'épicerie, là, je le respire en cachette. Bon, on dirait qu'il y a des choses un peu tomate et basilic, comme ça, c'est comme pizza barbecue avec bière. Mm-hmm. Pizza et bière, voilà. Moi, à l'épicerie, je le touche avec mes doigts, je sens mes doigts, ça sent le cimène, en fait. C'est merveilleux, hein? Ouais. Puis, en fait, comment ça marche, c'est qu'il y a des mini pochettes d'huile dans les feuilles de basilic. Puis quand on coupe les feuilles ou encore on les cisèle. Moi, j'aime bien y aller avec des ciseaux pour faire des petites lamelles. On brise les cellules puis les pochettes d'huile qui éclatent pour libérer l'arôme et la saveur. Puis le basilic, là, il est en fait dans la famille, il fait partie des plantes herbacées qui libèrent leur arôme et leur saveur rapidement. Dans cette famille-là de plantes herbacées, il y a aussi la coriandre, la menthe et l'aneth aussi. Et c'est différent pour les herbes qui font partie des plantes ligneuses. Mm-hmm. Donc ça, c'est des plantes qui sont plus robustes, comme par exemple le laurier ou le romarin. C'est des plantes qui sont plus résistantes et celles-là, on les ajoute en début de cuisson pour donner le temps aux molécules aromatiques de diffuser à l'intérieur des aliments. Et pour conserver la saveur du basilic, donc, il est préférable de le déposer les feuilles sur la pizza au moment où on la sort du four. Parce que si on ajoute le basilic tout de suite au début, avant la cuisson, à ce moment-là, les arômes vont s'évaporer à la chaleur puis on va pas avoir autant de plaisir. Et pour la conservation du basilic, bon, contrairement aux autres fines herbes, le basilic, si on le met au réfrigérateur, vous avez peut-être déjà essayé, les feuilles vont flétrir et c'est très triste. Alors, on le conserve à température ambiante, puis un peu comme on ferait avec des fleurs coupées, on plonge les tiges dans une petite quantité d'eau, puis on peut le conserver là, jusqu'à 2 semaines là, de cette façon-là. Ben, d'un point de vue un peu moins romantique là, et plus chimique, tu sais, mais vous savez que le basilic, le Ossimum basilicum, il est idéal pour la pizza. Pourquoi pizza et tomate comme ça? Parce que dans son huile essentielle, François, vous l'avez mentionné tantôt, très riche en substances aromatiques qui vont se marier exceptionnellement bien avec les arômes qu'on retrouve dans la pizza. Pourquoi? Parce que, on a parlé, il y a beaucoup de produits, mais il y en a un qui est très intéressant. On va retrouver de l'estragol, on va retrouver du cinéol, du cimène, on va retrouver du méthylgénol, mais on va retrouver le linalool. Oui. Et le linalool, c'est une substance vraiment caractéristique et on va le retrouver dans un seul type de vin, dans le Gewürztraminer. Mm-hmm. Et c'est pour ça que moi, je considère que le Gewürztraminer, c'est le vin idéal au niveau moléculaire pour s'adapter à une pizza avec tomates et basilic comme ça. Ah, peut-être au niveau moléculaire, mais pas de mes papilles. Moi, je trouve ça trop sucré. Ah oui. Oh, non! Non! Alors, on prendra deux vins différents. Ah, différents, tout à fait. Et faire une pizza, Normand, est-ce que... Ben oui. C'est presque faire... Non, c'est parce qu'il y a une chose, on a passé la sauce tomate, on a passé la pâte, on a parlé de basilic. Et là, il reste l'ingrédient clé maintenant de la pizza, mesdames et messieurs. La mozzarella. Oui. Et puis, juste un petit passage de français. On peut dire là ou là, hein, concernant la mozzarella. J'ai vérifié dans le dictionnaire pour ne pas faire d'erreur à la radio quand même. Hein. Alors, le fromage mozzarella, en fait, ses propriétés, il a des propriétés particulières. Hein. On dit qu'il est le champion. Donc, c'est le fun parce qu'il y a des études, en fait, sur le fromage qui ont mesuré les propriétés puis les performances de différents fromages. Alors, ils ont utilisé la mozzarella, mais aussi le cheddar, l'emmental, le gruyère, le provolone et différents fromages. Et à la cuisson, pour avoir un fromage idéal, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on va évaluer le brunissement du fromage. On veut qu'il brunisse, mais pas trop non plus. On veut pas que ce soit sec. La déformation du fromage va être aussi évaluée là, sous l'action de la chaleur. Puis les bulles d'huile qui sont créées à la surface. On en veut un peu, mais pas trop non plus. Et le fromage idéal, il doit avoir une texture assez élastique, être assez humide, puis aussi contenir une petite quantité d'huile. Alors voilà, c'est pour ça que le mozzarella est le champion des fromages. Et pour les autres fromages, Entre autres, le cheddar, qu'est-ce qu'on lui reproche, même si très, très bon goût, c'est qu'il n'est pas assez élastique. Puis du côté du gruyère et du provolone, ben c'est comme s'ils sont trop gras pour bien griller. Alors, l'idéal, c'est de conserver nécessairement une petite base de mozzarella sur nos pizzas. Et si on veut, ben évidemment, on peut ajouter d'autres fromages là, pour avoir un goût un petit peu plus relevé. Moi, j'aime bien ajouter des petits copeaux de parmesan. Okay. Ah oui. Non, mais moi, je considère que la mozzarella, non, ça se mélange pas là, pour la pizza, non? Oh. Mais il y a une raison aussi au niveau moléculaire. Pourquoi la mozzarella a terminé maintenant et comme le fromage par excellence? Mais en fait, tous les fromages qui ont une forte concentration en ions calcium. Mm-hmm. Parce que, en fait, le calcium et la mozzarella, la mozzarella, c'est le fromage qui a la plus forte concentration d'ions calcium. Et les ions calcium qui proviennent du lait, évidemment, quand on le fait, mais dans la mozzarella, ça sert en fait de colle chimique qui permet de maintenir ensemble les protéines, la caséine, le plus possible qu'on retrouve là-dedans, et qui empêche ces molécules-là de se séparer et puis qui permet de ne pas avoir du gras qui se sépare et une longue élasticité de ça. C'est une des raisons pourquoi la mozzarella est devenue vraiment le fromage, je vous le dis, idéal. Vive la chimie, hein, vive la mozzarella. Et en fait, c'est la cuisson qui va concrétiser le succès gustatif de la pizza, n'est-ce pas, Normand? Ben oui, tout à fait, parce qu'en fait, on sait que pendant la cuisson, puis vous allez voir pourquoi la mozzarella démontre sa supériorité ici avec les autres fromages, c'est que vous savez que dans la cuisson, va se générer tous les arômes particuliers par la réaction alimentaire la plus connue, la réaction chimique, la réaction de Maillard, de M. Maillard, qui l'a découvert comme ça. C'est une réaction qui se fait entre un glucide, des acides aminés, et ces réactions chimiques-là vont avoir deux conséquences. Elles vont favoriser la formation de centaines de substances aromatiques. Vous savez, l'odeur de la pâte, quand on a la pâte grillée, ça sent bon, là, comme ça donne le goût, là, comme quand on va manger de la pizza, comme ça, particulièrement au four à bois. Mais la mozzarella, compte tenu de sa composition chimique différente, avec ses ions calcium riches en lactose, va avoir un brunissement, parce que c'est pas juste les composés aromatiques, c'est le brunissement de la pâte et la génération de substances aromatiques uniques qui font de la pizza quelque chose en soi qui est unique et impossible à reproduire si vous essayez de faire ça avec des substances séparées. Tout à fait. Mais on ne peut pas parler de pizza sans parler de la fameuse pizza napolitaine, n'est-ce pas, Karine? Oui, la pizza napolitaine, elle est bien protégée. Hein? Puis là, il n'y a comme pas de hasard, parce que c'est le jour de la Saint-Valentin 2008 que la pizza napolitaine a été officiellement protégée là, par un label spécialité traditionnelle garantie, donc un STG. Okay. Ce label-là, il ne fait pas référence à une origine, mais il vise plutôt à mettre en valeur une composition traditionnelle d'un produit ou un mode de production traditionnel. Donc, ça vise les ingrédients, puis aussi la fabrication. Et là, il y a différents critères, là, et je vous en dis quelques-uns parce qu'il y a une longue liste. Là. Donc, la pâte, elle doit être étendue à la main. Elle ne doit pas avoir plus de 3 mm d'épaisseur. La cuisson doit être à 485 degrés Celsius et la pizza doit cuire 60 à 90 secondes. Alors, tout est très bien réglementé. Et la pizza napolitaine, elle possède deux seules variantes autorisées. Donc, j'ai parlé de la margherita tantôt, donc qui est tomate, mozzarella fraîche, basilic et l'huile d'olive extra vierge. Et il y a aussi la variante marinara. Donc, celle-là, c'est tomate, ail, origan, et huile d'olive extra vierge. On n'a pas de mozzarella dedans. Ah! Et j'attendais... Il me semble qu'il manque quelque chose. J'attendais la réaction de déception. Oui, c'est vrai. Moi, il me semble que... OK, alors je continue. Et le 7 décembre 2017, tout récemment, l'UNESCO a annoncé que l'art traditionnel des pizzaiolos, donc ceux qui font valser la pâte dans les airs, ou encore Normand qui dit, qu'il affirme qu'il fait tourner les pizzas comme ça le vendredi soir. J'ai pas la preuve. Alors ça, cet art-là est entré On doute. OK, oui. Cet art-là est entré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et moi, personnellement, j'aimerais beaucoup apprendre à tourner la pâte avec mes mains en Italie. C'est parmi mes projets. Ah oui, mais je pourrais tout vous montrer ça. La prochaine fois, là, je vous promets, j'en ferai tourner une. Une démonstration, oui. Mais franchement, la pizza, tantôt je vous disais, est unique comme ça, mais sans se tromper, on peut dire que la pizza, c'est probablement le mets réconfort. Vous savez, on appelle ça les aliments doudous, là, ou comfort food en anglais, là. Les aliments confort, réconfort, je vais appeler ça. Ça a été démontré dans les statistiques américaines que c'est les vendredis soirs qu'il y a le plus de pizzas qui sont commandées. Vendredi soir. Et savez-vous quel est le jour de l'année où il se vend le plus de pizzas, mesdames et messieurs? La journée du Super Bowl. C'est vraiment ça. C'est là le record de vente. Parce qu'on sait que partout sur la planète, il y a des gens, des amateurs de football. Mais c'est plutôt pour se réunir comme ça. Mm. C'est donc la journée du Super Bowl qu'on vend le plus de pizzas. Mais il y a plus, mon cher François. Oui. Saviez-vous que si vous voulez négocier une bonne entente, si vous voulez renouveler votre bail, acheter, faire augmenter votre salaire ou quelque chose comme ça, bien, on vous conseille de manger une bonne pizza avant. Ah bon? Pour quelle raison? C'est une étude qui est apparue dans Scientific Report en 2015 qui démontre que les gens qui ont un haut taux de sérotonine et vont être capables de mieux négocier. Et savez-vous comment ils ont démontré ça? Ben, ils ont eu des gens qui ont eu des diètes riches en mozzarella et d'autres faibles en mozzarella, puisque la mozzarella est le fromage qui contient le plus de tryptophane, un acide aminé essentiel. Et lorsque le tryptophane entre dans votre système, dans votre cerveau, il est transformé en sérotonine, la molécule du bonheur, vous donnerait des meilleures capacités à négocier comme ça. Alors donc, si vous voulez négocier votre prochaine augmentation de salaire avant, n'oubliez pas d'aller manger une bonne pizza avec une bonne couche de mozzarella. Moi, je serais curieuse de connaître la quantité nécessaire. Est-ce que ça prend une brouette de fromage, Moi, je vous rapporte une étude scientifique. On verra pour les détails. Et aussi, le tryptophane, on le retrouve dans vraiment beaucoup d'aliments. Le riz, les légumineuses, le tofu, les légumes, la famille des choux. Oui, les noix, les poissons gras, le chocolat noir, les œufs. Il y en a vraiment partout. Mais on peut se faire une pizza au chocolat noir, au pistache. Une pizza dessert, ça existe. Et donc, ça serait doublement bon pour négocier votre salaire. Mais voilà. Et effectivement, et je ne savais pas que la pizza avait des vertus pour faciliter les négociations. Alors, je vous remercie infiniment, Normand. Moi, je voulais vous dire que j'aurais plein de choses à vous dire encore sur la pizza. Malheureusement, on doit aller en manger une en face comme ça. On doit quitter maintenant. Et on se reprendra éventuellement. Alors, merci beaucoup, Normand. Merci, Karine. Rappelons que Normand Voyer est chimiste et professeur titulaire au département de chimie à l'Université Laval et que Karine Gravel est nutritionniste et docteur en nutrition en pratique privée.